Chapitre 5e, le désespoir d'Edward Arundel. Oui, Edward Arundel pouvait croire maintenant à un malheur complet. Il pouvait croire que sa jeune femme, en apprenant la nouvelle de sa mort, avait follement couru se détruire, parce qu'elle était trop désolée, trop abandonnée de tout le monde, et trop malheureuse pour supporter le fardeau de ses douleurs. Mary avait causé avec son mari avec la confiance du bonheur et de l'amour pendant leur lune de miel. Elle lui avait parlé de son père, de l'horrible chagrin qu'elle lui avait causé, de son serrement de cœur et de son violent désir d'être couché dans la même tombe pour y dormir du même sommeil éternel. « Je crois que j'ai essayé de me jeter par la fenêtre la nuit d'avant les funérailles de papa, » avait-elle dit, « mais je m'évanouis. Je sais que c'est très mal d'agir ainsi, mais j'étais folle. Ma douleur m'avait fait perdre la raison. » Il se souvenait de cela. N'était-il pas possible que cette jeune femme, cet enfant sans appui, dans la première explosion de sa douleur, eût couru vers la sombre rivière pour cacher à tout jamais son désespoir sous ses ondes vaseuses? Dès lors, ce fut avec un nouveau sentiment qu'Edward Arundel chercha sa femme absente. Son jeune et énergique courage, qui avait lutté contre la conviction, qui avait conservé avec opiniâtreté ses idées consolantes, en dépit des sinistres prédictions des autres, avait disparu en présence de la preuve qui lui était fournie par le faux paragraphe dans le journal de province. Ce paragraphe était la clé du sombre mystère de la disparition d'Edward Arundel. Son mari pouvait comprendre maintenant pourquoi elle s'était enfuie, pourquoi elle avait désespéré et comment, dans sa douleur et dans son désespoir, elle avait pu mettre promptement fin à sa courte existence. Ce fut donc dans de nouvelles dispositions qu'il se mit à sa recherche. Il n'était plus colère ni impatient, car il ne croyait plus que sa jeune femme vécût pour soupirer après sa venue et souffrit faute de sa protection. Il ne se la représentait plus errante, seule, chassée de la maison qui lui appartenait, et dans son ignorance enfantine, s'éloignant de plus en plus de celui qui avait le droit de la secourir et de la consoler. Non, il songeait en elle maintenant le désespoir au cœur. Il songeait à elle sans espérer de la revoir. Il songeait à elle avec ce regret amer et poignant que nous n'éprouvons que pour les morts. Mais cette douleur n'était pas le seul sentiment que renfermait la poitrine du jeune soldat. Plus fort encore que sa douleur était son sauvage désir de vengeance, sa soif brûlante de représailles. « Je regarde Paul Marchmont comme le meurtrier de ma femme, » dit-il à Olivia, dans cette soirée de novembre où il lut le paragraphe dans le journal. « Je regarde cet homme comme l'assassin délibéré d'une pauvre malheureuse enfant, et il me rendra compte de sa vie. Il me rendra compte de chaque torture qu'elle a endurée, de chaque larme qu'elle a versée. Que Dieu prenne en pitié la pauvre âme de Mary qui a erré et me vienne en aide pour me venger de son meurtrier. » Il leva les yeux au ciel en parlant, et une ombre solennelle couvrit sa pâle figure comme un nuage noir qui déroba à la vue le paysage d'hiver. J'ai dit qu'Edward Arundel n'éprouvait plus une impatience furieuse de découvrir le sort de sa femme. La triste conviction qui avait fini par s'emparer de lui ne laissait pas de place à l'impatience. La pâle figure qu'il avait aimée était cachée quelque part sous ses eaux noirâtres. Il n'en doutait plus. Il n'était pas besoin de chercher une autre solution au mystère de la disparition de sa femme. Ce qu'il avait à chercher, c'était la preuve de la culpabilité de Paul Marchmont. Le jeune et franc soldat, dont la nature était transparente comme l'âme sans tache d'un enfant, allait entrer en lice avec un homme qui différait tellement de lui qu'il était presque difficile de croire que ces deux individus appartinssent à la même espèce. Le capitaine Arundel retourna à Londres et se rendit aussitôt à l'étude de messieurs Paulette et Matthewson. Il avait l'idée, commune à bon nombre de gens de sa classe, que tous les hommes de loi, quelque droit qu'ils aient à la considération, sont tous en quelque sorte passés maîtres dans l'art des infamies, et par conséquent tout à fait à même de lutter avec un misérable. « Richard Paulette pourra m'aider, » se disait le jeune homme. « Richard Paulette a deviné Paul Marchmont, je présume. » Mais Richard Paulett n'eut pas grand-chose à dire à ce sujet. Il avait connu le père d'Edward Arundel et le jeune soldat lui-même dès sa plus tendre enfance, et il semblait prendre une vive part à la douleur de son client, mais il n'avait rien à dire contre Paul Marchmont. « Je ne vois pas quel droit vous avez de soupçonner M. Marchmont d'avoir trempé dans la disparition de votre femme, dit-il. Ne croyez pas, parce qu'il est notre client, que je veuille le défendre. Vous savez que nous sommes assez riches et assez honorables pour refuser de faire les affaires de quiconque serait à nos yeux un misérable. Quand je suis allé dans le Lincolnshire, M. Marchmont a fait tout ce que pouvait faire un homme pour témoigner son désir de trouver sa cousine. « Oh oui !» répondit Edward Arundel avec amertume. « C'était là une conséquence de son diabolique artifice. Cela entrait dans son plan. Il voulait attester ce désir. Elle avait besoin que vous fussiez témoin des recherches consciencieuses faites par lui au sujet de ma pauvre femme. » Sa voix et ses manières changèrent pour un moment tandis qu'il parlait de Mary. Richard Paulette secoua la tête. « Préjugés, préjugés, mon cher Arundel, dit-il. Tout cela n'est que préjugé de votre part, je vous assure. » M. Marchmont s'est conduit avec une honnêteté et une candeur parfaites. « Je ne vous dirai pas que je suis désolé d'hériter de cette fortune, disait-il, parce que vous ne me croiriez pas. Quel homme, dans son bon sens, voudrait croire qu'un pauvre diable de peintre de paysage regrette d'hériter d'un revenu de 11 000 livres par an ? Mais je suis bien chagriné par le malheureux sort de cette pauvre petite femme. Et je crois, ajouta M. Paulet d'un ton décisif, qu'il était réellement chagriné. Edward Arundel poussa un gémissement. « Oh mon Dieu, ceci est trop terrible, murmura-t-il. Tout le monde aura confiance en cet homme plutôt qu'en moi. Comment me vengerai-je du misérable qui a causé la mort de ma chère femme ?» Il causa longtemps avec l'avoué, mais sans résultat. Richard Paulet regarda la haine du jeune homme pour Paul Marchmont comme une conséquence naturelle de la douleur que lui causait la mort de Mary. « Je ne puis être étonné que vous soyez mal disposé envers M. Marchmont, dit-il. C'est naturel, ce n'est que naturel, mais croyez-moi, vous avez tort. Rien de plus franc et même de plus délicat que sa conduite. Il refuse de prendre possession du domaine ou de toucher un liard du revenu. Non, m'a-t-il dit, quand je lui ai suggéré qu'il avait le droit d'entrer en possession. Non, nous ne renoncerons pas à toute espérance. Ma cousine se cache peut-être quelque part. Elle peut reparaître plus tard. « Attendons un an. Si au bout de ce temps elle ne revient pas, et si dans l'intervalle nous ne recevons pas de ses nouvelles, rien qui nous prouve son existence, nous pourrons conclure avec raison qu'elle est morte, et je pourrais bel et bien me considérer comme le légitime propriétaire de Marchmont Towers. En attendant, vous agirez comme si vous étiez toujours l'agent de Mary Marchmont. Vous garderez en dépôt les sommes qui lui appartiennent, et elles me seront remises au bout d'un an à dater du jour de sa disparition. » Je ne pense pas qu'on puisse imaginer rien de plus franc que cela, ajouta Richard Paulet en forme de conclusion. Non, répondit Edward avec un soupir, cela me paraît très franc. Mais l'homme qui est capable de frapper une femme abandonnée au moyen d'un mensonge imprimé dans un journal. M. Marchmont peut avoir ajouté foi à ce paragraphe. Edward Arundel se leva avec un geste d'impatience. Je suis venu implorer votre aide, monsieur Paulet. « Mais je vois que vous n'avez pas l'intention de m'aider. Bonjour. » Il quitta l'étude avant que l'avoué eût le temps de lui faire des observations. Il s'éloigna, la rage au cœur, contre l'univers entier. « Comme le monde est doucereux et menteur, dit-il, qu'un homme réussisse dans le plus infâme complot et personne ne songera à lui demander comment il a réussi. De quelles armes puis-je me servir contre ce Paul Marchmont qui emploie pour arriver à son but la franchise et l'honnêteté et déguise son infamie sous le voile de la candeur. De Lincoln's Inn Fields, le capitaine Arundel se rendit par le pont de Waterloo à Oakley Street. Il allait à la boutique de Mrs. Pimpernel sans y espérer l'heureuse surprise qu'il y avait trouvée quelques mois auparavant. Il croyait fermement que sa femme était morte et partout il la cherchait, un désespoir complet l'accompagnait. Ce n'était que le désir d'accomplir son devoir jusqu'au bout qui le poussait à cette démarche. L'honnête marchand à la toilette pleura à chaudes larmes quand elle apprit de quelle triste façon avait fini la lune de miel du capitaine. Elle aurait été contente de garder le jeune soldat toute la journée et de se lamenter sur les infortunes qu'il avait assaillies. Elle raconta à Edward, qui ne s'en doutait guère, les étranges pensées, les rêves horribles et les inexplicables pressentiments de malheur qui l'avait tourmentée avant et pendant le jour du mariage, et dont elle avait parlé à cette époque à plusieurs amis et connaissances. Je n'oublierai jamais combien je frissonnais en voyant la voiture s'éloigner, tandis que la pauvre chère enfant me regardait en souriant par la portière. Je dis à Mrs. Paulson, dont le mari est cordonnier à deux portes plus bas, je lui dis « J'espère que la femme du capitaine Rundell arrivera saine et sauve au terme de son voyage. » Je sentais un frisson dans le dos, juste comme je l'avais senti une quinzaine avant, lors de la mort de ma pauvre Jane, et je ne pouvais m'ôter de l'idée qu'il arriverait quelque chose. De Londres, le capitaine Rundell alla à Winchester au grand déplaisir de son valet, qui était habitué à mener une agréable vie de fainéant à Dangerfield Park, et qui ne trouvait pas du tout à son goût ce mouvement perpétuel d'un endroit à l'autre. Peut-être restait-il quelque faible rayon d'espoir dans l'esprit du jeune homme quand il approcha de la petite auberge du village dans laquelle il avait été si heureux avec sa jeune femme. Si elle ne s'était pas suicidée, si elle avait erré dans la campagne essayant de supporter son malheur avec une douce résignation chrétienne, si elle avait cherché quelque asile où elle fût à l'abri de ceux qui la tourmentaient, l'instinct de son cœur aimant ne l'aurait-il pas amené ici, ici au milieu de ces prairies basses et de ces ruisseaux aux cours sinueux que gardaient et entouraient les sommets des collines verdoyantes et qu'abritaient des arbres balancés par la brise, ici où elle avait été si heureuse avec le mari de son choix. Mais hélas, cette espérance nouvelle, qui avait fait battre le cœur du soldat et affluer le sang à ses joues, était aussi trompeuse que bien d'autres espérances qui attirent les hommes et les femmes dans leur triste pèlerinage sur cette terre. Le maître de l'auberge du Cerf-Blanc répondit à la question d'Edward avec une indifférence stupide. « Non, la jeune dame est partie avec sa mère et un gentleman venu avec sa mère. Elle a beaucoup pleuré, la pauvre enfant, et elle a paru très désolée. » Ce fut par la servante qu'Edward apprit ceci. Mais sa mère et le gentleman semblaient très pressés de l'emmener. Le gentleman disait qu'une auberge de village n'était pas un endroit convenable pour elle, et il était très affligé de la trouver là. Il avait amené une voiture dans laquelle il a fait monter les deux dames et il les a conduites à l'hôtel George à Winchester, en attendant le départ pour Londres. La jeune femme pleurait en s'éloignant, et elle était pâle comme la mort, la pauvre chérie. Ce fut là tout ce que gagna le capitaine Arundel à son voyage à Milldale. Il se rendit aussitôt chez les fermiers près de Reading, chez les parents pauvres de sa femme, mais ils n'avaient pas entendu parler d'elle. Ils avaient été étonnés, en effet, de ne pas recevoir de lettres de Marie, car elle avait été très bonne pour eux. Ils furent cruellement chagrinés quand il leur raconta sa disparition. C'était là sa dernière espérance. Maintenant, tout était fini. Edward Arundel ne pouvait plus lutter contre l'horrible vérité. Il ne pouvait plus que venger les chagrins de sa femme. Il reprit la route du Devonshire, vit sa mère et lui dit la triste histoire de la fuite de Marie. Mais il ne voulut pas rester à Dangerfield, bien que Mrs. Arundel le supplia de ne pas s'éloigner avant d'avoir recouvré la santé. Il courut à Londres, fit tous les arrangements avec son agent pour que sa commission fût vendue aux officiers et ses camarades, puis, abandonnant cette carrière qu'il avait aimée beaucoup plus que la vie, il se dirigea de nouveau vers le Lincolnshire par une sombre journée d'hiver, pour y épier et y attendre patiemment, si besoin en était, le moment des représailles. Il y avait dans un endroit assez solitaire, entre Camberling et Marchmont Towers, un cottage isolé qui avait été longtemps alloué parce qu'il avait grandement besoin de réparation et que l'aspect n'en était pas du tout attrayant. Edward Arundel loua ce cottage. Toutes les réparations et tous les changements nécessaires furent exécutés sous la direction de Morrison, qui devait demeurer à poste fixe au service du jeune homme. Le capitaine Arundel logea deux chevaux dans ses nouvelles écuries et prit à gage un jeune campagnard qui remplirait le rôle de groom sous les ordres du factotum. Morrison, ce groom et une servante formaient le personnel de la maison d'Edward. Paul Marchmont releva ses sourcils blonds quand il entendit parler du nouveau locataire de Camberling Retreat. Le cottage isolé avait été baptisé Camberling Retreat par un locataire sentimental, qui avait plus tard levé le pied en oubliant de payer trois termes de loyer. L'artiste laissa voir sa surprise au gentleman à ce nouveau caprice d'Edward Arundel et exprima publiquement sa pitié pour l'étourdi jeune homme. « Je suis bien fâché que le pauvre garçon se sacrifie à une douleur romanesque au sujet de ma malheureuse cousine, » dit M. Marchmont dans la salle commune du Taureau Noir, où il daignait paraître de temps en temps avec son beau-frère pour se populariser parmi les personnages importants et les fermiers de Camberling, qu'il le regardait sinon comme leur seigneur actuel, du moins comme leur maître futur. Je suis réellement peiné à cause du pauvre garçon. Il est bien de sa personne, bouillant, énergique, et je regrette qu'il ait été assez faible pour briser son avenir dans le service de la compagnie. Oui, je le regrette de tout cœur. M. Marchmont traita ce sujet très légèrement dans la salle commune du Taureau Noir, mais il garda le silence en rentrant avec le médecin, et M. George Weston, qui interrogeait de l'œil son beau-frère, vit que quelque chose allait de travers et qu'il fallait se taire. Paul Marchmont causa ce soir-là très avant dans la nuit avec Lavinia. Après que le médecin se fut couché, le frère et la sœur, très rapprochés l'un de l'autre, s'entretinrent à voix basse devant le feu qui s'éteignait, et en jugé par leur figure où se lisait presque la peur, la question discutée était très grave. « Il faut qu'il prenne la chose terriblement au sérieux, » dit Paul Marchmont, « ou sinon il n'aura jamais sacrifié sa position. Il s'est installé ici tout près de nous, avec l'intention de nous surveiller. Il nous faudra être très prudents. » Au commencement de la nouvelle année, Edward Arundel compléta tous ses arrangements et prit possession de Camberling Retreat. Il savait qu'en quittant le service de la Compagnie des Indes Orientales, il avait renoncé à la perspective d'une brillante et glorieuse carrière, sous le commandement de quelques-uns des plus braves généraux qui aient jamais combattu pour leur pays. Mais il avait fait ce sacrifice volontiers, comme une offrande à la mémoire de son amour perdu, comme une expiation pour son manque de parole à John Marchmont. Car c'était une de ses plus grandes douleurs que de se souvenir que son imprévoyance avait été la première cause des malheurs de Marie. S'il avait tout confié à sa mère, s'il l'avait décidé à revenir d'Allemagne pour être présente à son mariage et pour accepter l'orpheline comme sa fille, Marie ne serait plus retombée au pouvoir d'Olivia Marchmont. Son imprudence, sa témérité avaient jeté cette pauvre enfant sans amis précisément dans les mains de cet homme contre lequel John Marchmont l'avait mis en garde par un avertissement solennel, et cet avertissement, Edward aurait dû ne pas l'oublier. Mais qui aurait pu prévoir l'accident du chemin de fer? Qui aurait pu s'attendre à une séparation en pleine lune de miel? Edward Arundel avait confiance en sa force pour protéger sa femme contre tous les malheurs qui pouvaient l'assaillir. Dans l'orgueil de sa jeunesse et de sa vigueur, il avait oublié qu'il n'était pas immortel, et la dernière chose à laquelle il lui fut venu à l'idée de songer, c'était la pensée qu'il serait frappé tout à coup par le malheur et rendu bien plus faible encore que la jeune fille qu'il avait juré de défendre et de secourir. Le noir hiver s'écoula lentement, et les vents aigus de mars sifflaient à travers les branches sans feuilles des arbres du bois derrière Marchmont Towers. Ce bois était ouvert à tout piéton qui avait la fantaisie de passer par là, et Edward Arundel se promenait souvent sur les bords de la rivière au cours lent et à côté du chalet, à l'ombre duquel il avait fait sa cour à sa jeune femme pendant l'été dernier. L'endroit avait pour le jeune homme un charme douloureux, à cause du souvenir du passé, et une fascination d'un genre différent et très vive à cause de la venue fréquente de Paul Marchmont dans son atelier grossièrement construit. Dans une situation d'esprit ne visant à rien et mal assise, Edward Arundel surveillait l'homme qu'il haïssait, sachant à peine pourquoi il le surveillait et ce qu'il espérait, mais croyant vaguement qu'il découvrirait quelque chose, que quelque accident lui permettrait de dire à Paul Marchmont « C'est par votre trahison que ma femme a péri, et c'est vous qui avait à me rendre compte de sa mort. » Edward Arundel n'avait pas vu sa cousine Olivia pendant ce triste hiver. Il s'était tenu à l'écart des Towers, c'est-à-dire il ne s'y était jamais présenté en visiteur, quoiqu'il eût souvent erré à cheval ou à pied dans le bois, à côté de la rivière. Il n'avait pas vu Olivia, mais il avait entendu parler d'elle par son valet Morrison, qui tenait beaucoup à faire bénéficier son silencieux et indifférent maître des bavardages de Camberling. On dit que M. Paul Marchmont va épouser Mrs. John Marchmont, monsieur, raconta Morrison, charmé d'avoir à communiquer une nouvelle si importante. On dit que M. Paul est constamment aux Towers en visite chez Mrs. John, qu'elle prend conseil de lui pour tout ce qu'elle fait et qu'elle ne songe qu'à lui. Edward Arundel regarda son valet avec une surprise non déguisée. Ma cousine Olivia a épousé Paul Marchmont? S'écria-t-il. Vous devriez ne pas écouter de si stupides cancans, Morrison. « Vous savez ce que sont les gens de la province. Ils ne peuvent laisser leur langue en repos. » Morrison prit ce reproche pour un compliment sur la supériorité de son intelligence. « Ce n'est pas souvent que je les écoute, monsieur, » dit-il, « mais cela m'a été répété 20 fois pour une, et je l'ai entendu dire aussi au taureau noir, monsieur Edward, où monsieur Marchmont va quelquefois avec le mari de sa sœur. L'aubergiste m'a même déclaré que le fait avait été commenté en présence de monsieur Paul et qu'il ne l'avait pas nié. Edward Arundel réfléchit mûrement à tous ces commérages des gens de Camberling. Ce n'était pas en somme tout à fait improbable. Olivia n'occupait Marchmont House que provisoirement. Il pouvait se faire que, plutôt que de se voir réduite à quitter cette majestueuse demeure, elle consentit à accepter la main du légitime propriétaire. Elle épouserait Paul Marchmont peut-être comme elle avait épousé son cousin, pour la fortune et la position. Elle avait reproché à Mary sa richesse et maintenant elle cherchait à en avoir sa part. « Oh, l'infâme, l'infâme !» s'écria le soldat. « Tout cela est un tissu de trahison et de crime. Un mariage entre eux deux doit être une conséquence du complot. À eux deux, ils ont poussé ma chère femme à la mort et ils vont maintenant se partager les bénéfices de leur œuvre coupable. » Le jeune homme résolut de découvrir s'il y avait quelque fondement dans ces commérages de Camberling. Il n'avait pas revu sa cousine depuis le jour où le paragraphe du journal était tombé sous ses yeux. Il se rendit aux Towers avec l'intention de demander à Olivia ce qu'il y avait de vrai dans les bruits qui étaient arrivés jusqu'à lui. Il se dirigea à pied vers la lugubre maison. Il avait reconquis ses forces à cette époque, et sa bonne mine lui était revenue, mais il avait perdu quelque chose de la fraîcheur de sa jeunesse. L'éclat resplendissant de sa beauté s'était un peu terni. Il n'était plus le jeune Apollon descendu du ciel tout frais et tout radieux. Il avait souffert, et la souffrance avait laissé ses traces sur sa figure. Ce sourire plein d'espoir, cette suprême confiance en un avenir brillant, qui la virginité de la beauté s'était flétrie sous l'influence desséchante de la douleur. Mrs. Marchmont n'était pas aux Towers. La servante dit qu'elle était allée au chalet avec M. Paul Marchmont et Mrs. Weston. « Je les verrai ensemble, » pensa Edward Arundel. « Je verrai si ma cousine ose m'avouer qu'elle a l'intention d'épouser cet homme. » Il prit à travers le bois la direction du bâtiment solitaire sur le bord de la rivière. Les vents de mars soufflaient parmi les arbres dénudés, et ils agitaient la surface des mares noirâtres que la pluie avait formées dans chaque emplacement creux. La fumée qui s'échappait de la cheminée de l'atelier de Paul Marchmont luttait contre le vent et était refoulée contre le toit au-dessus duquel elle essayait de s'élever. Tout cédait devant l'impitoyable vent du nord. Edward Arundel frappa à la porte de l'édifice en bois construit par son ennemi. Il attendit à peine qu'on lui répondît. Il souleva le loquet et franchit le seuil sans y être invité, sans personne pour l'accueillir. Il y avait 4 personnes dans l'atelier. 2 ou 3 d'entre elles semblaient avoir été en train de causer ensemble lorsqu'Edward avait frappé, mais la conversation avait cessé brusquement et un silence complet régnait dans la salle quand il se montra. Olivia Marchmont était debout sous la grande fenêtre au nord. L'artiste était assis sur l'une des marches menant au pavillon et à quelques pas de lui, sur une vieille chaise en roseau près du chevalet, se trouvait George Weston, le médecin dont la femme s'accoudait sur le dos de la chaise. Ce fut sur ce dernier qu'Edward Arundel fixa le plus longtemps ses regards, qu'attirait l'étrange expression de sa figure. Les traces d'une vive agitation ont une force particulière vue sur une physionomie habituellement stupide. Les figures mobiles sont sujettes à exagérer l'émotion qu'elles ont à exprimer. Nous nous habituons à leur expression changeante, à leur vivace reproduction de chaque sensation qui les agite. Mais la physionomie de cet homme était du nombre de celles qui ne sortent de leur calme apathique que par quelques tremblements de terre morale, dont la commotion fait sortir de sa stupide imperturbabilité le plus impénétrable des hébétés. Une commotion de ce genre avait tout récemment ébranlé M. George Weston, le paisible médecin de Camberling, le mari humble et soumis de la sœur de Paul Marchmont. Sa figure était pâle comme la mort. Tout son corps épais tremblait lentement. Avec une de ses grosses mains charnues, il tirait de sa poche un mouchoir en coton et essuyait en tremblotant la sueur de son front. Sa femme se penchait vers lui et lui murmurait quelques paroles à l'oreille, mais il secouait la tête d'un air piteux comme pour attester qu'il ne pouvait la comprendre. Il n'était pas possible qu'un homme donnât des signes d'une violente agitation intérieure plus visible que ceux fournis par le médecin. « C'est inutile, Lavinia. » murmura-t-il avec désespoir lorsque sa femme essaya de lui parler de nouveau. C'est inutile, ma chère, je ne puis m'y faire. » Mrs. Weston jeta sur son frère un regard rapide, moitié suppliant, moitié désespéré, et l'instant d'après, elle recouvra son calme par un de ces efforts dont sont capables seulement les femmes fortes ou les femmes méchantes. « Oh, les hommes !» s'écria-t-elle de son ton le plus enjoué. « Oh, les hommes ! Quels gros enfants stupides ! Quelles créatures nerveuses vous êtes ! Allons, George ! Je ne veux pas que vous vous laissiez aller ainsi, parce qu'un verre ou deux du bon vin de Mrs. Marchmont vous aura par hasard brouillé les idées. Il ne faut pas croire qu'ils boivent, monsieur Arundel, » ajoutant la dame, se tournant avec gracieuseté vers Edward et caressant de la main les robustes épaules de son mari. « Il n'est qu'un pauvre médecin de village, à revenus très minces, à tête très faible et tout à fait inaccoutumé au vin vieux. Allons, monsieur George Weston, venez prendre l'air et nous verrons si le vent de mars vous rendra la raison. » Et sans plus de façon, Lavinia Weston entraîna son mari qui se dirigea comme un somnambule vers la porte de l'atelier et elle ferma la porte derrière elle. Paul Marchmont se mit à rire dès que son beau-frère fut sorti. « Pauvre George, » dit-il d'un ton d'indifférence, « j'avais bien vu qu'il en usait un peu trop librement avec le vin vieux. Il n'est pas de taille à supporter un verre de vin, et c'est la plus stupide des créatures quand il est gris. » Quoique bien jouée que fût cette comédie, Edward Arundel ne s'y laissa pas prendre. « Cet homme n'était pas gris, » se dit-il, « il avait peur. Qu'est-ce qui a pu le mettre dans cet état ? Quel est le mystère que ces gens-là cachent parmi eux ? Et que peut-il avoir de commun avec ce mystère, ce médecin ? Bonsoir, capitaine Arundel, dit Paul Marchmont. Je vous félicite du changement survenu en vous depuis votre dernière visite. Vous me semblez vous être remis complètement des suites de ce terrible accident du chemin de fer. Edward Arundel se redressa sèchement pendant que l'artiste lui parlait. Nous ne pouvons nous rencontrer que comme ennemis, monsieur Marchmont, dit-il. « Ma cousine vous a sans doute répété ce que j'ai dit de vous lorsque je découvris le paragraphe menteur que vous fîtes voir à ma femme. »« Je n'ai fait que ce que tout autre eût fait à ma place en pareille occasion, » répondit tranquillement Paul Marchmont. « J'étais trompé par une fausse nouvelle d'un journaliste à un sou la ligne. Comment pouvais-je prévoir l'effet que produirait cette nouvelle sur ma cousine ?»« Je ne puis discuter cette question avec vous, » s'écria Edward Arundel, la voix tremblante de colère. « Je suis presque fou quand j'y pense. Je ne suis pas sûr de moi. Je n'ose me fier à mes impressions. Je vous regarde comme l'assassin calculateur d'une pauvre femme sans appui. Mais vous avez été si habile que la vengeance de Dieu peut seule vous atteindre. Je le prie, nuit et jour, dans l'espoir qu'il m'entendra et vengera la mort de ma femme. Aucune loi sur terre ne peut m'aider, mais j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu. » Il y a en ce monde fort peu de gens qui soient athées positivement, et quand même. M. Paul Marchmont était un philosophe de l'école sceptique, un disciple de Voltaire et des encyclopédistes, et un croyant de l'époque libérale du règne de la terreur, où dans les cafés des Français discutait Dieu, qu'il baptisait l'être suprême. Mais il devint un peu plus pâle, lorsque Edward Arundel, les yeux rayonnants et la main levée, déclara sa foi en un divin vengeur. L'artiste sceptique pensait peut-être, s'il y avait en somme quelque réalité dans cette croyance à laquelle s'attache tant de niais confiants, s'il y avait un Dieu qui ne puisse permettre l'impiété. « Je suis venu ici pour vous, Olivia, » dit tout à coup Edward Arundel. « J'ai une question à vous adresser. Voulez-vous venir dans le bois avec moi ?»« Oui, si vous le désirez, » répondit tranquillement Mrs. Marchmont. Ils sortirent ensemble de l'atelier, laissant Paul Marchmont tout seul. Ils firent quelques pas en silence. « Quelle est la question que vous êtes venu m'adresser ?» demanda brusquement Olivia. « Les gens de Kimberling ont fait circuler sur vous un bruit qui ne vous serait que très peu agréable, je m'imagine, » répondit Edward. « J'ai peine à croire que vous souhaitiez bénéficier de la mort de Marie. Le voudriez-vous, Olivia ?» Il fixa sur elle un regard scrutateur. Sa figure exprimait si bien, en tout temps, les soucis rongeurs, les cruelles tortures mentales, qu'il n'y restait que fort peu de place pour une émotion nouvelle. Son cousin y chercha en vain quelques changements. « Bénéficier de sa mort ? » s'écria-t-elle. « Comment pourrais-je bénéficier de sa mort ? En épousant l'homme qui hérite de ce domaine ? On dit que vous allez vous marier avec Paul Marchmont. » Olivia le regarda avec l'expression de la surprise. « Dit-on cela de moi ? » demanda-t-elle. « Le dit-on réellement ? » ?»« Oui, on le dit, Olivia. Est-ce vrai ?» La veuve se tourna vers lui presque avec fureur. « Que vous importe que ce soit vrai ou non? En quoi cela vous touche-t-il que j'épouse cet homme ou que je ne l'épouse pas? En ceci, répondit Edward Arundel, que je ne voudrais pas que votre réputation fût compromise par les commères de Camberling. Je vous mépriserais si vous épousiez cet homme, mais si vous n'avez pas l'intention de vous marier avec lui, vous n'avez pas le droit d'encourager ses visites. Vous traitez à la légère votre bonne réputation. Vous devriez partir d'ici et donner ainsi un démenti à tous les faux bruits qui courent sur votre compte. « Partir d'ici ?» s'écria Olivia Marchmont avec un rire amer. « Partir d'ici, oh mon Dieu !»« Si je pouvais aller m'enterrer quelque part à l'autre bout du monde et oublier !» Elle dit cela comme si elle eût parlé pour elle, comme si ses paroles eussent été un cri de désespoir échappé malgré elle. Puis se tournant vers Edward Arundel, elle ajouta d'un ton plus calme « Je ne pourrais sortir d'ici que pour être portée au cimetière. J'y suis prisonnière à vie. » Elle se détourna de lui et s'éloigna lentement, la figure tournée vers le soleil qui disparaissait dans le ciel à l'occident.